إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence maintenant le cours numéro 2 dans l'explication du livre Umdatul Ahkam. Umdatul Ahkam, yani on a expliqué, c'est le livre écrit par le Cheikh Abdul Aziz ibn Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al-Maqdisi. Et c'est un des grands ulama parmi les ulama de hadith, et on a expliqué un petit peu de sa biographie au dernier cours. On a commencé à expliquer le hadith innama al-a'malu bin-niyyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ce hadith, c'est le hadith par lequel l'imam, le cheikh, a commencé son livre. Et le livre Umdatul Ahkam, on a expliqué que tous les hadiths qui sont dedans sont rapportés par al-Bukhari et Muslim. Donc ils sont tous authentiques. Et c'est pas un long livre, c'est un livre qui est court. On a commencé à lire le hadith innama al-a'malu bin-niyyat, mais après avoir terminé, j'ai réfléchi et je me suis dit, subhanallah, on n'a même pas expliqué le titre du chapitre. On n'a même pas expliqué qu'est-ce que ça signifie, bab al-tahara. Donc on va expliquer bab al-tahara, qu'est-ce que ça veut dire. Donc, souvent les livres sont séparés en différents chapitres et en différents sous-chapitres. Donc quand on dit chapitre en arabe, en général on dit bab. Des fois on dit kitab. On va dire par exemple kitab al-tahara, le livre de la purification. Ou des fois on va dire bab al-tahara. Bab ça veut dire la porte en arabe. Mais dans le contexte d'un bab, dans un livre, bab, ça signifie un chapitre. C'est comme si c'est la porte d'un nouveau sujet dans un livre. C'est comme si entre chaque sujet, on mettait des portes. Puis qu'on passait d'une porte à l'autre pour aller à travers le chapitre. Donc ça, c'est ce que ça signifie ici. Bab al-tahara. Al-kitab asluhu al-dham wal-jama. Le mot kitab en arabe, ça veut dire de rassembler des choses, de les mettre ensemble. Comme si de les ramener ensemble, de les recueillir, de les rassembler. Wal muradu bihi ma jumi'a abwaban tarji'u ila aslin wahid. OK? Donc c'est comme si tu ramènes des choses ensemble qui reviennent à une seule origine ou une chose qui est en commun entre ces différents sujets. Donc il dit at-tahara بالطاء يعني بفتح الطاء فعالة من التطهر وفي اللغة النزاهة. Donc le terme tahara c'est avec une fatha sur le ta, tahara فعالة من التطهر, c'est la forme fa'ala du verbe ou du mot التطهر. تطهر يتطهر taharatan, c'est-à-dire tu te nettoies, tu te purifies, tu te nettoies. C'est ça que ça veut dire linguistiquement, an-nazaha, c'est d'enlever les choses qui sont sales ou qui sont impures ou des choses comme ça. Tu les enlèves de toi-même et de ta personne. Et il dit, قال الله تعالى ومطهرك من الذين كفروا أي من أذناسهم. C'est-à-dire, et Allah subhanahu wa ta'ala, en parlant de Isa alayhi salam, et il va te purifier de ceux qui ont mécru. C'est-à-dire te purifier de leurs impuretés, de leurs saletés. Hein? Ça, c'est dans Surat Al-Imran, le verset 55. Il dit également, وقال تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala veut uniquement enlever de vous l'impureté aux habitants de la maison, c'est-à-dire la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. Et il veut vous purifier complètement. وَهُوَ حَقِيقَةٌ لِلْتَعَكُّدِ الْفِعْلِ بِالْمَصْدَرِ وَهُوَ فِي الْأَغْلَبِ بِالْمَنَعِ أو بِمَنَعِ المجاوز. وهي في الشرع فعل ما يستباح به الصلاة وهذا أحسن حدودها وأخصرها. Donc il dit que dans la religion, la définition de tahara, c'est quoi? C'est qu'est-ce qui rend qu'est-ce qui rend possible de faire la salat. Donc la purification, c'est quoi? C'est qu'est-ce qui fait que tu puisses faire la salat après. Il dit que c'est la meilleure et la plus simple des définitions du terme tahara. Et on sait que la tahara, il y a, comme on l'a expliqué, deux formes de tahara, at-tahara al-ma'nawiyya et at-tahara al-hissiyya. At-tahara al-ma'nawiyya, c'est-à-dire la purification qui est abstraite, c'est-à-dire la purification du cœur. Se purifier le cœur du shirk, de tout ce qui est yani péché ou innovation ou bid'ah, ou désobéissance à Allah, association avec Allah dans l'adoration, tout ça, tu te purifies le cœur de ces choses-là. Ça, c'est la plus grande forme de purification et la plus importante. At-tahara al-ma'nawiyya, ça c'est par le tawhid, en fait, par le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme on l'a expliqué hier. Et puis il y a at-tahara al-hissiyya, la purification qui est physique, qui est concrète, c'est de se purifier avec de l'eau, de se nettoyer, de se laver, pour enlever les saletés de notre corps et les impuretés. D'accord? Donc on a expliqué plutôt la semaine passée, on a parlé du hadith de Innama al-amalu binniyat. On a expliqué qu'est-ce qui a été dit à ce sujet. On va voir s'il n'y a pas quelques points qu'on pourrait rajouter sur ce hadith. Taysir al-Allam, Sharh Umdatul Ahkam. Donc Taysir al-Allam, c'est le Sharh de Umdatul Ahkam. Puis on va regarder aussi un autre Sharh de Umdatul Ahkam. On va vérifier si on l'a aussi. Parce que des fois, dans un Sharh, il n'y a pas tous les points bénéfiques. Il faut regarder dans d'autres aussi. Même si, bien entendu, on ne peut pas toujours mentionner tous les points bénéfiques. Mais si on peut en mentionner quelques-uns de plus qui sont clairs et simples, Inch'Allah, c'est toujours intéressant. Je voulais ramener le livre. Je l'ai à la maison, mais j'ai dit si je retourne, j'aurai pas le temps de revenir, donc j'ai préféré le laisser, puis me dire que j'allais me baser sur ma tablette, puisque je l'ai amené avec moi. Donc, comme disait un cheikh, si on a la technologie, pourquoi ne pas en profiter, hein? Bon, on va revoir le hadith de Innama al-a'mal bin-niyyat, mais rapidement. هذا الحديث من رواية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وقد رواه عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء خطبة خطبها. C'est un hadith qui est rapporté selon Amir al-Mu'minin Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Le hadith, on le connaît, c'est il dit سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وفي رواية بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. C'est-à-dire que Omar ibn al-Khattab a dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, les actions ou les œuvres ne valent que selon leurs intentions ou selon l'intention. Et chacun n'aura que selon ce qu'il a eu comme intention. N'aura comme récompense que selon ce qu'il a eu comme intention. Alors, celui qui a fait sa hijra pour Allah et pour son messager, c'est-à-dire il a quitté le pays des mouchriquines pour aller vers le pays des musulmans, donc il a fait sa hijra sincèrement pour Allah et pour son messager, alors il aura la récompense de la hijra pour comme il aura la récompense, sa hijra et sa récompense seront pour, comme s'il l'a réellement fait pour Allah et son messager, il sera récompensé tel qu'il a eu l'intention. Tandis que celui qui avait comme intention de chercher quelque chose de la dunya, ou bien d'épouser une femme, eh bien, qu'est-ce qu'il aura comme récompense? C'est selon ce qu'il a, la raison pour laquelle il a fait la hijra. C'est-à-dire qu'il aura juste la dunya comme récompense. Il n'aura pas la récompense dans l'au-delà. Donc ici, le hadith, c'est rapporté par Omar ibn al-Khattab. Et Omar ibn al-Khattab, il a rapporté ce hadith, il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire ce hadith-là pendant qu'il faisait une khutba, pendant qu'il était sur le minbar. وَقَدْ خَطَبَ بِهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرْ ibn al-Khattab. Et Omar ibn al-Khattab lui-même l'a mentionné dans une khutba qu'il a faite. وَلَمْ يَثْبُتْ أَنَّ صَحَابِيًا آخَرَ رَوَى هَذَا الْحَدِيثِ غَيْرَ عُمَرْ ibn al-Khattab radiyallahu anhu. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun sahabi qui a rapporté ce hadith-là, excepté Omar ibn al-Khattab. Omar ibn al-Khattab, c'est le seul qui l'a rapporté parmi les sahaba. وهذا الحديث من الأحاديث الغريبة التي اقتصر على رواتها راو واحد فقط. Donc ça c'est les sortes de hadiths qu'on appelle hadith gharib, parce qu'il est rapporté par un seul rapporteur. وقد رواه عن عمر راو واحد ورواه عن الراوي راو واحد فهو غريب في مواطن عديدة من إسناده. Qu'est-ce qu'il dit? Le cheikh explique que le hadith il est rapporté uniquement par Omar ibn al-Khattab. Puis celui qui l'a rapporté de Omar ibn al-Khattab, c'est une seule personne aussi. Le premier narrateur après Omar, c'est un seul narrateur. Et celui qui l'a rapporté de ce premier narrateur-là, c'est un seul aussi. Puis l'autre après, c'est un seul aussi. Donc il est gharib le hadith dans plusieurs endroits dans son isnad, c'est-à-dire dans sa chaîne de transmission. وقوله إنما الأعمال بالنيات إنما أداة من أدوات الحصر وليست إنما مؤلفة من إن وما الناهية على الصحيح بل إنما كلمة واحدة ليست كلمتين وهي أداة من أدوات الحصر والمراد بها الحصر إثبات الحكم للمذكور مع نفيه عما عداه. Ça veut dire, le hadith commence par innama, et le terme innama en arabe, ça fait partie des articles qu'on utilise pour restreindre quelque chose ou pour limiter une affaire à une seule, à la chose qu'on va mentionner après. C'est-à-dire que ici, innamal a'mal bin niyat. Donc ça veut dire c'est-à-dire les actions ou les œuvres ne valent que selon les intentions. Donc c'est pour limiter, pour restreindre. Et innama, c'est pas fait de inna et de ma nahiya. C'est pas fait de inna et de ma, le ma de la négation, selon l'opinion correcte. Mais c'est un mot, yani c'est un article séparé, différent de inna et de ma. Et ça fait partie des articles qu'on utilise pour limiter, comme on a dit, c'est pour affirmer le verdict pour la chose qui est mentionnée et nier ce verdict-là à tout ce qui est en dehors de cette chose-là. C'est-à-dire que c'est seulement cette chose-là qui va avoir le verdict en question et non pas le reste des choses. Hein? Par exemple, si je dis innama. إنما المستفيد الحاضر إنما المستفيد الحاضر c'est-à-dire la personne qui va profiter c'est uniquement celle qui vient qui va être présente en cours c'est-à-dire إنما المستفيد من العلم الحاضر في الدرس donc c'est seulement la personne qui va profiter de la science ou du cours, c'est seulement la personne qui vient et qui est présente. Celle qui est absente elle profite pas. Donc innama ici c'est pour restreindre, pour limiter, tu vois. Il y a beaucoup d'exemples comme ça dans le verset. Na'am. Après qu'est-ce qu'on dit? Kana yuthbitu al-a'mal. Na'am. Donc dans le contexte ici, al-murad bil-hasr ici, عندما يقول إنما الأعمال بالنيات فكأنه يثبت الأعمال إذا كانت مقرونة بالنية وينفي الأعمال إذا كانت غير مقرونة بالنية. Donc c'est comme s'il disait les actions, yani c'est seulement des actions lorsqu'elles sont avec des intentions. S'ils ne sont pas avec des intentions, les actions, elles ne sont pas des actions. C'est dans le sens littéral. والأعمال تشمل الأعمال البدنية ولا من الأقوال والأفعال. Et à l'a'mal, les actions, ça comprend les actions physiques faites avec, yani les actions physiques faites avec le corps, donc les paroles et les actions. Les paroles et les actions. والأقوال جزء من الأعمال. Et les paroles sont une partie des actions aussi. Quand tu parles, tu agis. Hein? فإن القول جزء من الفعل والعمل. Donc la parole fait partie, c'est une partie de l'action et du geste et de l'action. تشمل أيضا أعمال القلوب من الخشية والإنابة والتضرع ونحو ذلك فإنه يقال لها أعمال. Et ça comprend les actions du cœur, comme la crainte, le repentant, le fait de se repentir et l'humilité. Tout ça, c'est des actions aussi, des actions du cœur. وقوله إنما الأعمال بالنية لا بد في هذا الكلام من تقدير لأننا نجد أن بعض الأعمال يفعلها الناس بدون نية فبعض الناس يقدم على فعل شيء من الأعمال لا ينوي فيه أي نية فحينئذ لا يصح لنا أن نقول إنما وجود الأعمال بالنية لأننا نجد أعمالا تفعل بدون نية ومن هنا فالصواب أن يقال في تفسير ذلك إنما صحة الأعمال شرعا بالنية فتصح الأعمال إذا كانت بنية ولا تصح إذا لم تكن بنية. Donc le cheikh explique, il dit les actions sont celles qui sont, yani sont uniquement des actions si elles sont avec l'intention. Les actions sont seulement celles qui sont faites avec une intention. Il dit, pour que cette parole-là soit correcte, il faut rajouter quelque chose. Parce que dans cette forme-là, si tu le laisses tel quel, tu le dis de cette façon-là, il manque quelque chose pour que le sens soit complet. Parce qu'il y a des gens qui font des actions sans intention. Il y a des gens qui agissent et qui font des choses sans avoir une intention pour la faire. Donc, est-ce qu'on peut nier la réalité? Que, comme par exemple, il y a des gens, ils mangent, ils n'ont pas d'intention. C'est juste manger parce qu'ils ont faim. Ils n'ont pas une intention avant de faire l'action, nécessairement. Tu vois, ils font juste agir comme ça au fur et à mesure, sans réfléchir, sans vraiment penser à pourquoi je fais, qu'est-ce que je fais, puis c'est quoi mon intention dans cette action-là. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que tes prières ou tes actes d'adoration deviennent machinales, que tu les fasses par habitude, puis que tu les fais comme ça sans prendre ton temps pour réfléchir avant de la faire, que tu l'as fait pour Allah, que tu sais qu'est-ce que tu fais, puis c'est quoi ton intention en le faisant. Donc ça, c'est important d'essayer de faire ça. Mais en même temps, il ne faut pas exagérer trop avec l'intention, comme certains, par exemple, qui vont... Soit ils vont prononcer l'intention à haute voix, ça c'est une bid'ah, c'est interdit, ou bien ils vont se forcer à exagérer dans l'intention, du point que quand ils vont commencer à prier, déjà ils savent que leur intention c'est de faire par exemple salat al-asr ou salat al-maghrib. Avant de prier, ils savent que c'est le maghrib, Allahu Akbar, ils prient, c'est correct. Mais si par exemple tu commences ta prière, tu as ton intention comme ça, mais tu commences ta prière, tu dis « Ah, j'ai oublié de dire mon intention dans mon cœur. » Non. Déjà, l'intention, c'est déjà... Tu l'avais déjà, en partant de chez toi, tu avais l'intention de faire « Ah, c'est suffisant. » Tu vois? Donc, ça c'est le point. Puis, donc, qu'est-ce qu'il faut rajouter pour que le sens de la parole soit complète? C'est en fait que l'action que tu fais... Pour qu'elle soit valable et pour qu'elle soit correcte, il faut qu'elle soit accompagnée de l'intention. Que s'il n'y a pas d'intention, l'action ne sera pas correcte. Pas qu'il n'y a pas d'action du tout. Il y a une action, mais elle ne sera pas valable, elle ne sera pas correcte. Donc, qu'est-ce qui est correct pour dire la bonne interprétation de cette parole dans le hadith, c'est que les œuvres seront uniquement valables dans la charia si elles sont faites avec une intention. Et si elle n'est pas faite avec une intention, elle ne sera pas acceptée. قوله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إنما لكل امرئ ما نوى يعني إذا نوى أنه إذا نوى المرء شيئا فلا يكون له من الأجر أو الثواب إلا بقدر ما نوى. Lorsque tu as fait une action, lorsque tu as fait une action, tu auras seulement comme récompense selon la portion ou la force de ton intention. Comme récompense. Seulement. فمن نوى الثواب الدنيوي بعمله فإنه لا يثاب عليه ثوابا أخروي. Celui qui a eu une intention de la dunya, quand il a fait une action pour la dunya, il n'aura pas de récompense pour cette action dans l'au-delà. Par exemple, tu donnes de l'argent à un pauvre, mais pas pour Allah, juste pour que les gens te disent « Ah, t'es généreux ». Dans ce cas-là, tu n'auras pas de récompense dans l'au-delà pour cette action. Mais c'est possible que les gens vont te dire que t'es généreux. Donc ça sera ta récompense dans la dunya. Tu comprends? Tu auras la récompense de la dunya, mais tu n'auras pas la récompense de l'au-delà. Ou bien d'autres exemples comme ça. L'exemple de celui qui veut faire la hijra pour aller marier une femme. Parce que sa femme est dans un pays musulman. Et lui, il vit dans un pays non musulman. Il veut aller se marier. Il ne veut pas aller dans le pays musulman pour faire la hijra, pour vivre parmi les musulmans, puis pratiquer son islam, pour que ce soit plus facile pour lui. Non. Il veut partir dans un pays musulman parce qu'on lui a promis une femme. Alors il veut y aller. Ou bien il veut aller dans un pays musulman comme en Arabie Saoudite, ou bien dans les pays du Golfe, où il y a beaucoup d'argent pour travailler, parce qu'il veut de l'argent. Pas parce qu'il y a la facilité de pratiquer l'islam, parce qu'il y a les mosquées, parce qu'il y a les durous, parce qu'il y a les ulama. Non, ça ne l'intéresse pas. Qu'est-ce qui l'intéresse le plus? C'est la dunya, l'argent. S'il fait la hijra pour ça, il va avoir l'argent. Mais il n'aura pas de récompense dans l'au-delà pour cette action-là. Hein? Donc c'est pour ça que c'est sérieux de penser à ça. Donc amma man nawa al-ajr al-ukhrawi fa inna Allah azza wa jal yuthibu man kana kadhalika bis-thawab al-ukhrawi wa yatafaddal ala man kana kadhalika min al-ibad bi'ta'ihim ath-thawab ad-dunyawi ala ma nawaw bihi thawab al-akhirah. Donc il dit, en ce qui concerne celui qui a eu l'intention d'avoir, yani, il fait une action, il a l'intention d'avoir la récompense dans l'au-delà pour cette action-là, eh bien, il sera récompensé pour cette action-là dans l'au-delà. Wa yatafaddal ala man kana kadhalika min al-ibad. Allah subhanahu wa ta'ala va donner à celui qui a eu cette intention-là et qui a fait ça, yani, il va lui donner de sa grâce en lui donnant la récompense même de la dunya aussi. En plus de la récompense pour l'au-delà. Lorsqu'il a eu comme intention l'intention de l'au-delà. وعلى هذا ينبغي أن يعلم أن الأعمال يجب أن ينوى بها الأجر الأخروي ووجه الله. فإن حصل شيء من أمور الدنيا في الدنيا فإنه يحصل تبعا بغير نية له. Donc il faut, c'est ça qui est important de comprendre, il faut savoir que les actions, c'est obligatoire quand on les fait, qu'on les fasse pour, uniquement pour l'au-delà et pour le visage d'Allah, pour la grâce, pour l'agrément d'Allah. Et si en faisant quelque chose pour Allah, il nous arrive qu'on obtient des choses de la dunya, eh bien ça c'est seulement quelque chose qui vient à la suite de ça, mais il ne faut pas que ce soit pour avec une intention d'obtenir quelque chose de la dunya. Quand on fait quelque chose pour l'au-delà, il faut que ce soit juste pour l'au-delà. Si on reçoit de la dunya par rapport à une action qu'on a faite pour l'au-delà, eh bien ça vient, c'est quelque chose que Allah nous a donné par sa grâce, mais il ne faut pas que ce soit ton intention, d'accord. Après, il dit, فقوله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله معناه أن من نوى بهجرته وذهابه وانتقاله من دار الكفر إلى دار الإسلام وجه الله واتباع النبي صلى الله عليه وسلم فهجرته حينئذ مقبولة عند الله ويثاب عليها. بينما من كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فلم ينوي إلا الدنيا فليس له ثوابا أخروي وإنما يقتصر ثوابه على الأجر الدنيوي إن حصلت له المرأة أو حصلت له الدنيا فهذا هو ما نواه وإن لم يحصل له شيء من ذلك فإنه لا يؤجر عليه أجرا أخرويا. Ça veut dire que celui, par exemple, qui a eu pour intention dans sa hijra, lorsqu'il est parti, il a quitté le pays des kuffar, le pays de kufr, il est allé dans un pays de l'islam, et il a fait ça pour Allah, et en suivant l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce cas-là, sa hijra sera acceptée. Et il va être récompensé pour cette hijra auprès d'Allah. Tandis que celui qui fait une hijra pour obtenir une chose de la dunya, il veut quelque chose de la dunya. Donc on lui a promis quelque chose, donc il va là-bas pour l'avoir. On dira, si tu viens, on va te donner une maison, on va te donner un travail dans les pays musulmans. Donc il s'en va là-bas pour travailler, ou pour avoir une maison, ou bien pour se marier avec une femme. Comme il y a des musulmans ici, par exemple. Ils sont ici, puis ils disent, ah, moi je retourne dans mon pays. Puis tu dis, pourquoi? Ah, parce que j'ai trouvé, mon frère, il a ouvert un commerce, puis il m'a offert un poste. Ou bien, on m'a offert une femme en mariage, donc je m'en vais pour me marier. Mais si c'était pas ça, il serait jamais parti. Parce que c'est pour la dunya, il va, seulement. Donc lui, il aura juste la récompense de la dunya. Il va avoir la femme, il va avoir le travail, c'est tout. Il n'aura pas, au jour de la résurrection, il n'aura pas pour ça aucune récompense. Parce que ce n'était pas pour Allah qu'il est parti. إنما يقتصر ثوابه على الأمر الدنيوي. Donc il aura juste la récompense pour les choses de la dunya. Et s'il obtient une femme, donc, ce sera sa récompense. S'il obtient la dunya, ce sera sa récompense, parce que c'était ça son intention. Mais s'il n'obtient pas la femme, s'il n'obtient pas le travail ou la chose qu'il voulait de la dunya, dans ce cas-là, il n'aura rien. Il n'aura pas dans la dunya qu'est-ce qu'il voulait, puis il n'aura pas dans l'au-delà non plus de récompense. Après, il dit « وَقَوْلُهُ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَيْنَامْ فلا بد فيه من تقدير فمن كانت نيته عندما هاجر إلى الله يعني إلى دين الله وإلى اتباع الله وقوله ورسوله يعني إلى اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. Donc quand on dit celui dont la hijra était pour Allah et pour son messager, qu'est-ce que ça signifie ça? Ça veut dire que ton intention lorsque tu as fait la hijra, c'est d'aller vers Allah, c'est-à-dire vers la religion d'Allah, vers l'adoration, vers le suivi d'Allah, le fait d'obéir à Allah, et vers le messager, c'est-à-dire vers le suivi du messager, vers le fait de suivre sa sunna et de suivre ses ordres et de lui obéir et ainsi de suite dans les pays musulmans. Wa qawluhu wa man kanat hijratuhu lid-dunya المراد بالدنيا ما يقابل الأخرى وبعضهم يقول المراد بالدنيا المال لأن المال يطلق عليه الدنيا وكلاهما قد يكون مرادا بالحديث. Donc ici qu'est-ce qu'on veut dire par la dunya? Il dit tout ce qui est en opposition à l'au-delà. Et certains ont dit aussi que la dunya, c'est l'argent. Donc, tout ce qui a rapport avec l'argent, on l'appelle dunya. Ok? Et les deux sont corrects. On peut dire que les deux sont voulus par le hadith. لِأَنَّ لَفْضُ دُنْيَا لَفْضُ مُشْتَرَكُ يَسْدُقُ عَلَى مَا يُقَابِلُ الْأُخْرَى وَيَسْدُقُ عَلَيْهِ الْأَمْوَالِ. Le mot dunya, c'est un terme qui peut avoir plusieurs sens. Il peut s'appliquer pour l'argent, il peut s'appliquer pour... Yani, qu'est-ce qui est le contraire de l'au-delà et ainsi de suite. Donc toutes ces significations-là sont correctes. ولا مانع أن يراد باللفظ المشترك جميع معانيه إذا لم تكن المعاني متنافية. Donc si les significations ne sont pas opposées, pas de contradiction entre les différentes significations d'un mot, et bien dans ce cas-là, on peut dire qu'elles sont toutes impliquées par le hadith. وقد رغب العلماء تقديم هذا الحديث في مؤلفاتهم ولذلك نجد أن الإمام البخاري رحمه الله افتتح صحيحه بهذا الحديث والمؤلف المقدسي افتتح كتابه في الأحاديث الأحكام بهذا الحديث ويستفاد من الحديث جمع الأعمال لا أن جميع الأعمال لا تعتبر شرعا ولا تصح شرعا إلا بالنية ومن جملة ذلك الطهارة التي قدم المصنف هذا الحديث على أحاديثها. Il dit que les ulama ont aimé, comme on l'a expliqué au dernier cours, faire l'introduction de leur livre, commencer leur livre par ce hadith. Et on trouve que l'imam al-Bukhari l'a fait ça dans son sahih. Et l'imam al-Maqdisi, il a fait ça dans Umdat al-Ahkam et al-Nawawi, aussi dans les 40 hadiths, il commence par ce hadith-là. Et qu'est-ce qu'on peut tirer comme point bénéfique? Parmi les points bénéfiques de ce hadith, on en a mentionné au dernier cours, mais parmi les points bénéfiques, c'est que toutes les œuvres qu'on fait n'ont pas de valeur selon la charia et ne seront pas acceptées selon la charia, excepté si elles sont faites avec une bonne intention. C'est-à-dire une bonne intention dans le sens qu'elles sont faites pour Allah seul. Ok? En même temps aussi, il faut comprendre une autre chose aussi. Mais on va l'expliquer ça dans les autres hadiths peut-être qu'on arrivera dans d'autres chapitres. Mais sinon c'est important de l'expliquer peut-être ici aussi parce que il y a des gens qui vont faire des choses qui sont contraires à la charia, mais ils disent, mais j'ai une bonne intention. Ça suffit pas. C'est pas valable. C'est-à-dire que tu peux pas faire quelque chose qui est contraire à la charia puis prétendre avoir une bonne intention. Dans ce cas-là, L'intention, c'est correct. C'est-à-dire, l'intention, c'est sûr que c'est une condition dans l'action. Il faut que tu aies une bonne intention. Mais si ton action n'est pas correcte, elle-même, elle n'est pas correcte en elle-même, c'est-à-dire que soit que c'est quelque chose de haram ou c'est une bid'a, dans ce cas-là, même si tu as une bonne intention, ce n'est pas accepté par Allah. Donc, ce n'est pas juste de dire « Ah, mais j'ai une bonne intention ». Ça, c'est sûr qu'il faut avoir une bonne intention, mais il faut aussi que l'action elle-même soit acceptée. Il faut qu'elle soit valable. Et pour qu'elle soit valable, il faut qu'elle soit en accord avec la charia d'Allah. Donc il faut premièrement qu'elle soit permise, c'est-à-dire que ça ne fait pas partie des choses qui ont été interdites par l'islam de façon spécifique, comme les péchés. Et il ne faut pas que ça fasse partie non plus des bidas, des innovations, des choses qui ont été interdites par l'islam de façon générale. Dans le sens de ce qui est inventé ou innové dans l'islam, qui ne fait pas partie de ce qui est ordonné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui n'est pas ordonné ni dans le Coran ni dans la Sunna, ni recommandé non plus. Dans ce cas-là, ça c'est des innovations et ça c'est blâmable. Donc, même si quelqu'un dit par exemple, mais j'ai célébré la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais j'ai une bonne intention, c'est une bid'a, ça veut dire que c'est rejeté. C'est pas suffisant d'avoir la bonne intention. Non, ça c'est... S'il a fait tawba, c'est autre chose. Si la personne se repentit, puis elle fait du bien par la suite, ça c'est correct. Mais là, on parle de la personne qui avait fait le péché avant sa repentance. Hein? Non. Ou bien si elle était ignorante, ça aussi c'est autre chose. Si la personne était ignorante, elle ne savait pas que c'était une bid'a, elle ne savait pas que c'était haram. Alors là, c'est autre chose. Tu lui expliques, tu lui donnes les preuves, et puis là, après, si elle s'arrête, de là, dans ce cas-là, elle sera pas punie pour ça parce qu'elle savait pas. C'est comme il y a des musulmans, par exemple, ils quittent les pays musulmans et viennent vivre dans les pays de Kuffar. Mais ils savaient pas que c'était haram. Ils ont jamais entendu parler les ulama de ce sujet-là. Même peut-être ils ont jamais écouté des ulama. Il y a des musulmans, malheureusement, tu leur dis, est-ce que tu connais des ulama? Ils disent non, je sais pas, je ne connais pas. Ils savent même pas qui sont les grands ulama à notre époque. Tu vois? Et non, mais Hassan, toi tu en connais quelques-uns maintenant. Oui, c'est ça. Donc c'est comme ça les gens en général. Et il y a beaucoup de musulmans vivent dans l'ignorance de même qui sont nos ulama. Et connaître nos ulama, c'est important. Comme par exemple, c'est important de connaître le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est important de connaître qui sont les sahaba, c'est aussi important de connaître qui sont les ulama. Non, comme tu dis, c'est important de savoir de qui on doit écouter et qui on doit pas écouter aussi. Donc ceux par exemple qui sont égarés, qui sont des gens déviés, c'est important de savoir qui ils sont pour pas les écouter et c'est important de savoir qui sont les ulama, qui sont les gens du bien, qui sont les gens de la sunna, pour justement pouvoir les chercher, pour les suivre, pour les écouter dans le bien. C'est vrai que tu vas trouver souvent des gens qui affichent eux-mêmes leurs photos, c'est des gens qui souvent sont des gens qui veulent se montrer, ils cherchent la popularité, des choses comme ça, ça c'est mauvais signe. Oui. Toutefois, il y a des ulama parfois... C'est pas eux qui mettent leurs photos, c'est des gens qui mettent leurs photos. Alors que, c'est ça, comme eux, ils veulent pas qu'on mette leurs photos, mais les gens mettent leurs photos quand même. Comme Cheikh Al-Fawzan, Cheikh Al-Albani, Cheikh Ibn Baz, Cheikh Ibn Uthaymin, tu vois, c'est ça. Donc, oui, c'est ça. Ouais. Oui, tu peux dire qu'en général, de façon générale, si tu vois des gens qui aiment trop s'afficher, mettre leurs images, mettre leurs photos partout, ça c'est pas un bon signe. Parce que la personne qui fait ça, souvent c'est parce qu'elle recherche la notoriété, la popularité, elle veut devenir célèbre, elle veut devenir une vedette. Hein? Elle veut devenir une vedette. Et donc, c'est ça qu'elle recherche. Et si on voit pas sa photo, elle est pas heureuse. Elle est pas contente. Hein? Elle veut se faire reconnaître quand elle marche dans la rue. Ah, c'est toi un tel. Hein? Donc c'est ça. Et oui, souvent c'est ça. Bien entendu. Exactement. Ça devient une fitna pour ces personnes-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut tirer dans ce hadith? C'est que, oui, c'est ça. Dans le hadith, il y a aussi l'incitation à la sincérité, à la pureté d'intention envers Allah. Et nous inciter également à purifier notre intention pour chercher la récompense de l'au-delà dans ce qu'on fait. Toute action qu'on fait, chercher la récompense d'Allah et de l'au-delà. Naam. وفيه أن الأفعال المتقرب بها إلى الله لا بد فيها من النية. Donc les actions que tu fais pour Allah, il faut absolument que tu les fasses avec une niya, avec une intention. فلو صلى الإنسان ولم ينوي بصلاته الأجر الأخروي فإنه لا يثاب ثوابا أخروي على هذا الفعل. Si quelqu'un fait la salat mais il n'a pas fait cette salat avec l'intention d'avoir la récompense dans l'au-delà, il n'aura pas la récompense dans l'au-delà pour cette salat. Donc c'est important de penser à l'intention qu'on a avant de faire les œuvres. Et aussi c'est bon l'intention dans le sens que pour distinguer une adoration d'une autre, comme distinguer l'obligatoire de qu'est-ce qui est recommandé, ou distinguer qu'est-ce qui est une prière d'une autre, ou une par rapport à l'autre aussi. Et aussi un autre point, peut-être qui n'est pas mentionné ici, mais qui est important aussi, c'est que même des actions que tu fais parmi les actions de la dunya, si tu les fais avec une intention de t'aider à faire l'adoration, ça devient une adoration aussi. Comme par exemple, tu dis, moi, là, je vais manger. Manger, c'est pas une adoration, c'est pas quelque chose qui est une prière qui fait partie de la religion, manger. Sauf que, selon ton intention, ça peut devenir une adoration. Comment? Par exemple, je dis, cette nourriture, je vais la manger pour me donner de la force pour être capable d'adorer Allah encore. Après, ça, dans ce cas-là, tu manges. Le fait que tu manges, c'est une action naturelle, ordinaire, ça devient une adoration. Parce que ton intention, tu fais le doigt avant et après, tout ça, c'est des choses qui vont faire en sorte que cette action-là qui est simple, ordinaire et naturelle, devient une adoration. Mais c'est-à-dire que, oui, tu dis Bismillah, et quand tu finis, tu dis Alhamdulillah. Tu vois? Ça fait que ton manger, le fait que tu manges, ça devient une adoration, une ibad. Hein? Un autre exemple, tu vas aller faire tes besoins. Avant de rentrer dans la toilette, tu fais le dua. Allahumma inni a'udhu bika min al-khubsi wal-khaba'is. Bon, min al-khubsi wal-khaba'is. Et tu rentres avec le pied gauche. Tu fais tes besoins, puis tu sors avec le pied droit et tu dis rufranak quand tu sors. Ça, c'est. Ton intention, c'est de te débarrasser des impuretés qui sont en toi-même, qui te dérangent, qui sont mauvaises pour toi, dans le but d'être capable justement de, par la suite, tu vas te purifier, tu vas être capable de faire ta salat. Ça devient une adoration. Tout ce que tu vas faire, ça devient. Même tu dors. Tu dis, là, je suis fatigué, mon corps est faible, il est fatigué, je vais aller dormir. Pour avoir plus de force, pour être capable de rester debout pour la salat, ou pour prier, ou pour lire le Coran. Dans ce cas-là, ton sommeil devient une adoration. Et tu es récompensé pour dormir par Allah. Tu vois? Donc, tout ce que tu vas faire par la suite, avec une bonne intention, tu vas être récompensé pour ça. Même des affaires de la dunya. Comme par exemple, quelqu'un va dire que il s'en va étudier pour devenir, je ne sais pas moi, médecin. Ou ingénieur, ou peu importe. Mais il dit, je vais étudier ce sujet pour aider les musulmans, pour aider l'islam, hein, pour que yani, je sois capable de faire du bien pour les gens, pour Allah. Ça devient quelque chose qu'il fait pour la dunya, mais ça peut devenir une chose même pour laquelle Allah va le récompenser s'il le fait pour la bonne intention. Donc tout ce que tu fais, toujours de te rappeler que tu peux le faire pour Allah et tu dois le faire pour Allah. Hein? soit directement, ou si c'est une adoration, ou indirectement si c'est pas une adoration en soi, mais que tu le fais pour quelque chose qui va t'amener à t'aider dans ton adoration. Parce que le but de ton existence, c'est l'adoration. Et ta vie entière est supposée de devenir une adoration. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Inna salati, hein, c'est-à-dire que quand tu fais le. Allah subhanahu wa ta'ala, il a mentionné ça de dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire cette parole. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. C'est-à-dire, dis ma prière, c'est-à-dire ma salat, et mon nusuk, c'est-à-dire mon sacrifice, et ma vie et ma mort appartiennent à Allah, le Seigneur des mondes. Ça veut dire que tout ce que tu fais dans ta vie, toutes tes adorations et même le reste, si tu le fais avec la bonne intention, tu le fais pour Allah, ça fait partie de ton adoration aussi. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit wa fi bid'i ahadikum sadaqa. C'est-à-dire même dans les rapports que tu vas avoir avec ta femme, qui sont des rapports intimes, tu vas avoir une sadaqa, tu vas avoir une récompense pour ça. Et les sahab ont dit ya Rasulullah, ayati ahaduna shahwatahu fa yakunu lahu fihi ajr. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, أرأيت لو وضعه في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعه في حلال كان عليه كان له أجر. C'est-à-dire, le sahabi a dit, oh messager d'Allah, est-ce que l'un d'entre nous va satisfaire son plaisir sexuel, hein, et il aura pour ça une récompense, hein, alors qu'il est en train de faire quelque chose qui lui fait du bien, qui lui fait du plaisir. Il a dit, as-tu vu, s'il l'avait fait dans le haram, est-ce qu'il n'aurait pas été puni? Hein? Il a dit oui. Alors, de la même manière que lorsqu'il est, il fait dans le haram, il est puni, quand il fait dans le halal, il est récompensé. Hein? Subhanallah. Donc, quelque chose qui n'est même pas une adoration, qui est, hein, quelque chose qui est physique, quelque chose qui est, hein, biologique, tu vois, même les koufars, ils le font, tout le monde le fait, il y en a parmi les êtres humains, pour se reproduire ou d'autres raisons. Et puis Allah, quand tu le fais avec l'intention de satisfaire ton désir et de satisfaire le désir de ton épouse, eh bien toi tu es récompensé, puis elle est récompensée aussi dans le halal, hein? Donc toute ta vie entière peut devenir une adoration, hein? Alhamdulillah. Mais bien entendu, il y a des degrés dans les adorations. Il y a les adorations obligatoires, puis il y a les adorations qui sont recommandées, surérogatoires donc. Il y en a qui mélangent entre les deux. Il y en a qui mélangent entre les deux et qui vont dire, par exemple, ah, mais moi, je suis en train de travailler, et le travail, c'est une prière, donc j'ai pas besoin de faire la salat. Il dit, ah, il fait la salade. Il dit, non, je travaille, c'est une prière. C'est, tu vois comment il interprète la religion. Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, dans un hadith, et ça c'est un hadith Qudsi même, qui dit, ma taqarraba ilayya, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. ولا يزال عبدي يتقرب إلي non يقول c'est ça c'est من عدا لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه إلى آخر الحديث. Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, celui qui fait du tort à mon serviteur, je lui déclare ma... celui qui fait du tort à mon serviteur rapproché, je lui déclare la guerre. Celui qui offense mon wali, c'est-à-dire le serviteur qui est rapproché d'Allah, je lui déclare la guerre. Allah lui déclare la guerre. Et il dit, et mon serviteur ne va pas se rapprocher de moi par quelque chose de plus que j'aime le plus, que ce que je lui ai ordonné de faire. Donc, c'est-à-dire, si tu veux te rapprocher le plus d'Allah par quelque chose que Allah aime, fais qu'est-ce qu'il t'a ordonné. Tu commences par les choses obligatoires. Et ensuite, il dit, et y a rien, et mon serviteur va continuer à se rapprocher de moi en faisant ce que je lui ai ordonné. Et après, il va rajouter les nawafil. Il va continuer à faire des choses surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Hein? Subhanallah. Donc là, tu as tes nawafil, Allah il va t'aimer de plus en plus. Et ainsi de suite. Donc c'est pour dire que quelqu'un ne peut pas faire les choses surérogatoires en premier, puis délaisser l'obligatoire. Tu commences par l'obligatoire, et après tu fais les choses recommandées. D'accord? Tu ne vas pas sauter une chose qui est, et puis tu fais l'autre, alors que l'autre, elle est juste recommandée. Exactement. Il y en a qui, comme tu dis, il y en a qui ne font même pas des choses surérogatoires. Il y en a qui c'est des choses qui sont bid'ah, des choses qui sont des affaires de la dunya, ils les mélangent avec l'adoration. Allah m'stan. Oui, exactement. Il y en a des gens comme ça. Ils prient toute la nuit, et puis quand arrive la prière de Fajr, ils tombent endormis. Allah m'stan. الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ رواه البخاري. Okay. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un hadith qui est rapporté selon Abi Huraira. Il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah n'accepte pas la salat de l'un d'entre vous lorsqu'il a commis une impureté, alaykoum salam, lorsqu'il a fait quelque chose qui annule son wudu, jusqu'à ce qu'il refasse son wudu, ou jusqu'à ce qu'il fasse son wudu. C'est rapporté par Al-Bukhari. On va expliquer les termes maintenant qui sont mentionnés dans ce hadith. Ça, c'est la section qu'on appelle Gharib al-Hadith. Et juste en passant, je voudrais vous mentionner un point aussi qui est important, c'est que les ulama, ils encouragent de mémoriser ce livre de hadith. Donc c'est-à-dire que, pas juste de lire les hadiths qui sont dedans, puis de les comprendre, mais c'est important aussi d'essayer de les mémoriser par cœur. Comme ça, ça reste avec toi, tu as la preuve par la suite. Donc qu'est-ce que ça veut dire « la yaqbalullah » Quand on dit « la yaqbalullah », ça veut dire « yaqb », c'est ça. « Yaqbal »,« qabila »,« la yaqbal », ça veut dire « il n'accepte pas ». Allah n'accepte pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire en arabe « la yaqbal » Quel sens ça a dans la religion? Lorsqu'on dit qu'Allah n'accepte pas, yani selon la charia, qu'est-ce que ça va avoir comme impact? Qu'est-ce que ça implique? Le cheikh, il explique. Il dit « La yaqbalullah bi sirati nafi » parce que c'est une négation. « La yaqbalullah » c'est une négation. « Bi sirati nafi wa huwa ablaghu minan nahi » Il dit c'est encore plus fort que l'interdiction. La négation est plus fort que l'interdiction. Si par exemple on disait, comme par exemple dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, par exemple, bon, un exemple qui vient maintenant direct à l'esprit, « La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawm al-akhir yuwaduna man haddallaha wa rasoula » C'est-à-dire, « La tajidu qawman » tu ne trouveras pas un peuple ou des gens qui croient en Allah et au jour dernier, qui aiment, il y en a ceux qui opposent Allah et son messager. Ça veut dire que Allah ne dit pas ne prenez pas, n'aimez pas ceux qui opposent Allah et son messager. Ça c'est une interdiction. Mais là, Allah est en train de nier même l'existence d'un peuple qui aime ceux qui opposent Allah et son messager et qui sont croyants. Ça veut dire que si tu es croyant, c'est impossible que tu aimes ceux qui opposent Allah et son messager. C'est impossible. Hein? Donc, la négation, c'est plus fort que l'interdiction. Hein? Donc, qu'est-ce qu'il dit ensuite ? لِأَنَّهُ يَتَضَمَّنُ النَّهِي Parce que la négation implique l'interdiction. زِيَادَةُ نَفِي حَقِيقَةِ الشَّيْءِ زِيَادَةَ نَفِي حَقِيقَةِ الشَّيْءِ En plus de nier la réalité de la chose. Ça, c'est le premier terme qui est expliqué ici. Le deuxième terme, أَحْدَثَ أَحْدَثَ أي حصل منه الحدث وهو الخارج من أحد السبيلين أو غيره من نواقض الوضوء. Qu'est-ce que c'est الحدث؟ أحدث c'est le verbe, hein? C'est le verbe qui يعني de الحدث, de faire une حدث. أحدث ça veut dire il a fait une حدث. Et الحدث c'est quoi? C'est qu'est-ce qui annule ton وضوء. Parmi les choses qui annulent le wudu, c'est tout ce qui sort par les deux voies. C'est-à-dire, par, hein, comme l'urine qui sort par devant et les excréments qui sortent par derrière, mais n'importe quelle autre chose aussi. Que ce soit le sperme ou al-madhi ou al-mani, hein, ou al-wadi, et ainsi de suite. Ça, c'est les choses qui sortent et les menstruations chez les femmes, hein. Ou bien yani les écoulements ou des choses comme ça qui peuvent annuler le wudu, hein? Et donc ça c'est des exemples de ça qui annulent, c'est des choses qui annulent la purification, mais il y a aussi des choses qui annulent la purification en dehors de celle-là, comme les gaz, hein? Les gaz ça sort par les deux voies, mais il y a aussi par exemple le fait de dormir ou de perdre connaissance, ça annule le wudu. Pourquoi? Parce que quand tu dors profondément, tu ne peux plus contrôler si tu as un gaz ou non, ou s'il y a quelque chose qui sort de toi ou non. Donc, exactement, à cause de ça, tu es obligé de faire le wudu lorsque tu te réveilles. Pour faire la prière. C'est-à-dire, oui, pour faire la prière, c'est obligé. Non. Non, si tu somnoles au sommeil, c'est pas obligé de faire le wudu dans ce cas-là, parce que tant que tu es resté conscient, tu étais assis comme ça, tu étais à côté la tête comme ça, puis tu commences à somnoler ou tu commences à légèrement t'endormir, ça annule pas le wudu. Mais quand tu as un sommeil profond, tu dors profondément, oui, là dans ce cas-là tu peux dire que oui, tu es obligé de faire le wudu. Non. Ensuite, donc, ahdatha, c'est ça. Al-hadath, c'est ça. C'est d'être dans l'état dans lequel tu n'as plus ton ablution. Tu dois la refaire. Et al-hadath, il y a deux sortes. Al-hadath al-akbar et al-hadath al-asghar. C'est-à-dire l'état d'impureté majeur et l'état d'impureté mineur. Majeur, bon, c'est quand, par exemple, ça nécessite le rusul. Comme après avoir eu des rapports sexuels avec notre épouse, ou bien lorsque par exemple la femme elle va être dans sa période de menstruation, elle doit à la fin de sa période faire le rusul. Ça c'est des exemples de hadath akbar. Si par exemple quelqu'un il a fait un rêve et que dans son rêve il a vu des choses qui ont fait qu'il a eu une éjaculation durant son sommeil, eh bien, quand il se réveille, bien entendu, il va aussi faire le rusul, à condition qu'il trouve des traces de cette éjaculation-là dans ses vêtements. Mais s'il n'y a pas de traces, il n'a pas besoin de faire de rusul. Donc, oui, c'est ça. Oui, et ensuite aussi, وَالْأَصْلُ الْحَدَثُ الْإِذَا Donc, le mot « hadath » en arabe, à l'origine, linguistiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire « al-idha ». Tout ce qui fait du tort ou ce qui fait offense, qui porte offense. Ça, c'est la signification à l'origine. Et ça, c'est rapporté de l'Lisan al-Arab. Aussi, « al-hadath wasfun hukmi » مقدر قيامه بالأعضاء يمنع وجوده من صحة العبادة. الحمد لله يهديكم الله ويصلح بالكم. أي نعم، الحدث وصف حكمي مقدر قيامه بالأعضاء يمنع وجوده من صحة العبادة المشروط لها الطهارة. Donc الحدث c'est une description c'est une description d'un, c'est comme si c'est la description du verdict qui nécessite que tu laves certains de tes membres pour être capable d'être en état d'être capable de faire la prière pour établir ton adoration dans les adorations qui nécessitent ou qui ont comme condition que tu sois en état de purification. Comme par exemple la salat, c'est une condition pour faire la salat, tu dois faire la purification, donc il faut enlever cette hadath. Et pour enlever cette hadath, tu dois laver certains membres de ton corps avec de l'eau, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné. Et s'il n'y a pas d'eau, bien entendu, tu vas le faire avec yani, avec de la terre, comme le tayammum. Un autre point, al-ma'na al-ijmali, donc la signification générale du hadith. Al-shari' al-hakim arshada man arad al-salah أن لا يدخل فيها إلا على حال حسنة وهيئة جميلة، لأنها الصلة الوثيقة بين الرب وعبده، وهي الطريق إلى مناجاته، ولذا أمره بالوضوء والطهارة فيها، وأخبره أنها مردودة غير مقبولة بغير ذلك. Que Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le législateur sage, il nous a indiqué et orienté que si on voulait faire la salat, on ne doit pas rentrer dans cette salat excepté dans un bon état, dans un état qui est bon et qui est dans une posture qui est belle. On doit s'habiller bien, avoir des beaux vêtements, sentir bon, être propre. C'est ça qu'il faut pour que, quand on veut faire la salat, c'est important. Parce que c'est un lien qui est établi entre toi et entre le Seigneur et son serviteur. C'est-à-dire entre Allah et sa créature. Et c'est également le chemin par lequel tu implores ton Seigneur et que tu l'invoques. Et c'est pour ça que Allah a ordonné de faire le wudu et de se purifier pour justement faire en sorte que lorsqu'on se place devant Allah, on soit sous notre plus belle apparence et dans notre meilleur état. Et si on fait la salat sans cette purification-là, eh bien, cette adoration-là ne sera pas acceptée. Allah ne va pas l'accepter. Donc, si quelqu'un dit par exemple, « Ah, mais moi je vais prier sans wudu », Allah, il va l'accepter comme s'il dit « J'ai une bonne intention ». C'est pas suffisant d'avoir une bonne intention. Et même si tu as la meilleure intention au monde, pour que ton action soit acceptée, elle doit respecter les conditions de la charia. Et parmi les conditions, c'est que tu sois en état de purification, en état de wudu. Si tu n'as pas fait ton wudu, ta prière ne va pas être valable. Qu'est-ce qu'on peut faire tirer de ce hadith ? Ma yukhadhu min al-hadith. Il y a 4 points qu'on peut tirer de ce hadith parmi les points bénéfiques. Il y en a peut-être plus que ça, mais ça, c'est les plus importants. Le premier, أولاً, أن صلاة المحدث لا تقبل حتى يتطهر من الحدثين الأكبر والأصغر. Donc, qu'est-ce qui est écrit ici? C'est que la salat de la personne qui est en état d'impureté, qui a fait un gaz ou qui a été aux toilettes, il a uriné ou bien il a eu des choses qui sont sorties derrière. Des excréments ou des choses comme ça, ou bien qu'il a eu un sommeil profond, ou bien selon certains ulama qu'il a touché avec ses mains à ses parties intimes, ça aussi pour certains ulama ça fait partie de ce qui annule le wudu. Mais il y a divergence là-dessus. Avec la main, si tu touches à tes parties intimes, certains ulama mentionnent que ça annule le wudu. Tandis que d'autres ulama disent que ça annule pas le wudu. Hein? Ouais, il y en a des ulama qui disent que ça annule pas l'oudou si tu touches avec la main. Ils disent qu'ils se basent sur le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit innama hiya bid'atun mink. Innama huwa bid'atun mink. C'est-à-dire que c'est juste une partie de toi-même. Hein? Tandis que d'autres ulama se basent sur le hadith qui mentionne que, un autre hadith qui mentionne que ça annule la purification. Non, mais il y en a des ulama qui mentionnent comme si c'était pas fait avec shahwa, s'il n'y avait pas de désir ou il n'y avait pas d'intention, c'était un accident par exemple, ou c'était pas intentionnel, ça annule pas. Il y a divergence là-dessus, d'accord? Et donc, ça c'est le premier point. Et ça, c'est pour l'impureté mineure. L'impureté majeure, comme on a dit, quelqu'un il a eu une éjaculation nocturne, ou bien il a eu des rapports sexuels avec sa femme, ou bien, et là, pour les rapports sexuels, la condition pour que ce soit obligatoire de faire le ghusl, c'est que la tête de l'organe génital de l'homme pénètre dans le vagin de la femme. S'il y a eu cette pénétration là, même si c'est juste le bout de l'organe génital qui est rentré, à partir de ce moment là il devient obligatoire pour les deux de faire le ghusl, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إذا التقى الختانان وجب الغسل. Si les deux parties de l'homme qui sont circoncis, la partie de l'homme qui est circoncis entre, pénètre dans la partie de la femme, et qu'elle se rencontre, c'est-à-dire la partie de la femme et de l'homme où il y a la circoncision, ça se rencontre, c'est obligatoire de faire le ghusl. Alors, c'est la preuve que même s'il n'y a pas eu un rapport complet avec éjaculation, du moment qu'il y a eu une pénétration de la tête de l'organe génital de l'homme, il est obligatoire à ce moment-là de faire le ghusl quand même. Et ensuite, également, il y a les femmes, lorsqu'elles ont leur menstruation, à la fin de cette menstruation, ça c'est, il y en a une impureté majeure, elles doivent faire le ghusl au complet. C'est-à-dire la grande ablution, le lavage complet. Le deuxième point qu'on peut tirer de ce hadith, أن الحدث ناقض للوضوء ومبطل للصلاة إن كان فيها. Ok. Le deuxième point, c'est que les choses qui causent la personne de perdre son wudu, ça annule la salat aussi, si ça arrive pendant la salat. Donc si par exemple pendant que tu fais la salat, tu as un gaz, eh bien ça annule ta prière. Tu es obligé de sortir de ta prière. Tu peux pas rester dans ta prière pendant que tu as eu un gaz. Ou si tu as uriné pendant ta prière, ou tu as eu quelque chose qui est venu à annuler ta salat dans la prière, ça annule ta prière aussi, pas seulement ton wudu. Ça annule ton wudu et ta salat aussi. Ensuite, le point numéro 3, المراد بعدم القبول هنا عدم صحة الصلاة وعدم إجزائها. Qu'est-ce qu'on veut dire par le fait que quand on dit elle n'est pas acceptée, ça veut dire quoi? Quand Allah dit que Allah ne va pas l'accepter, quand le prophète صلى الله عليه وسلم dit que Allah ne va pas l'accepter, ça veut dire qu'elle n'est pas valable et que elle n'a pas été faite de façon satisfaisante. Ça veut dire que tu seras pas c'est-à-dire que tu dois encore la faire, elle t'incombe encore de la faire, c'est encore obligatoire pour toi de la faire. Ton devoir n'a pas été accompli tant que tu ne l'as pas faite avec la purification. Et le point numéro 4, الحديث يدل على أن الطهارة شرط شرط لصحة الصلاة. également le hadith indique que la purification est une condition pour que la salat soit valable. D'accord? C'est une condition pour que la salat soit valable. Et là, d'accord. Donc, certains ulama, قال بعض العلماء المراد بالقبول الرضا. Certains savants ont dit que quand on dit acceptation, ça veut dire l'agrément. وقال بعضهم المراد أنه لا يعتبر العمل صحيحا عند الله. Et certains ont dit que ça veut dire, quand Allah dit qu'il n'accepte pas, ça veut dire que l'action ne sera pas reconnue comme étant valable auprès d'Allah. Allah ne va pas la considérer comme étant valable. وقال بعضهم وهو معنى لا يثيب الله على الفاعل. وبمعنى لا يثيب الله على الفاعل. Ça veut dire que certains ont dit que ça veut dire que Allah ne va pas récompenser celui qui a fait cette action là. والتقدير الأول بعدم الرضا يشكل عليه من صلى على غير طهارة وهو يظن أنه على طهارة. وهذا يثاب على هذا الفعل بحسب نيته لكنها ليست صلاة صحيحة لأنها لا تسقط القضاء ولذلك فالأفضل أن يقال لا يقبل الله يعني لا يعتبر الله الفعل صحيحا أو الصلاة صحيحة. Donc si on dit que ça voulait dire l'agrément que Allah ne va pas agréer une prière qui n'est pas faite avec le wudu, tant que tu ne t'es pas purifié lorsque tu as perdu ton wudu. Et ici on dit que ça veut dire l'agrément, ça voudrait dire que Allah n'agrée pas une salade, la salade de quelqu'un qui a annulé sa purification jusqu'à ce qu'il se purifie ou jusqu'à ce qu'il fasse son wudu. Et le cheikh dit qu'il y a un problème avec cette parole là du fait que même si tu pries sans purification mais que tu penses que tu as la purification, alors dans ce cas-là tu vas être récompensé pour l'action que tu as fait selon ton intention, mais la prière ne sera pas valable et tu ne seras pas considéré comme ayant accompli ton devoir. Ça c'est autre chose. Si quelqu'un par exemple a oublié, c'est-à-dire si quelqu'un par exemple il a fait son wudu puis que par la suite il a oublié, qu'il l'a perdu, mais il se souvient qu'il l'a. Il se souvient qu'il a fait le wudu mais il a oublié s'il l'a pas. Ça c'est comme s'il l'avait dans ce cas-là. C'est comme s'il l'avait. La yazul al yaqin bi shak. C'est-à-dire que le doute n'annule pas la certitude. Donc, si tu es certain d'avoir fait le wudu, mais que tu doutes d'avoir perdu, dans ce cas-là, la certitude a le dessus sur le doute. Donc, c'est pour ça que tu dis dans ce cas-là, je suis certain que j'ai fait le wudu, mais je ne suis pas sûr si je l'ai perdu par la suite ou non. Dans ce cas-là, tu prends la certitude. Et tu te bases sur la certitude et tu fais ta salat, tu pries. Pas besoin de refaire ton wudu. Oui. Tandis que si tu étais certain d'avoir perdu ton wudu, mais tu doutes d'avoir fait ton ablution, là, dans ce cas-là, tu te bases sur la certitude. C'est-à-dire, la certitude, dans ce cas-là, c'est que tu as perdu ton wudu. Donc, dans ce cas-là, tu dois faire absolument ton ablution. Aïnaam. Salat. يعني فصل الصلاة يعني جنس أضيفت إلى معرفة فتفيد العموم. Donc ça implique n'importe quelle salat, peu importe la salat que ce soit obligatoire ou recommandée. قوله أحدكم يعني أحد اسم جنس مضاف إلى معرفة وهو الضمير فيفيد العموم أي جميع صلواتكم غير مقبولة إذا أحدث حتى يتوضأ إذا أحدثتم حتى تتوضأوا. Donc peu importe qui la personne est, du moment que la personne a perdu son wudu, sa prière ne sera pas valable jusqu'à ce qu'il fasse son wudu par la suite. إذا أحدث إذا أداة شرط ويفهم منه مفهوم المخالفة أن العبد إذا لم يحدث فإن الله يقبل صلاته ولو لم يتوضأ ويؤخذ من هذا عدم وجوب الطهارة والوضوء لكل صلاة. Donc il dit que إذا c'est un élément ou un article qu'on utilise dans la langue arabe pour émettre une condition, pour émettre une condition, donc pour dire quelque chose à la conditionnelle. Et il dit, si on regarde le contraire de ce que ce hadith-là signifie, ça voudrait dire que le serviteur qui n'a pas fait d'impureté ou qui n'a pas eu d'impureté, Allah va accepter sa salat même s'il ne fait pas son wudu. Ça veut dire que ce n'est pas obligatoire de faire ton wudu après chaque prière. Si tu n'as pas perdu ton wudu, avant chaque prière, tu n'as pas besoin de faire ton wudu si tu l'as, si tu as toujours le wudu. Tu es juste obligé de le refaire avant la prière si. Il y a un hadith comme ça, ça veut dire « La yuhafiz ala wudu'ihi illa mu'min » ou « Kama qala Rasulallah » sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un hadith comme ça. Ça veut dire que il n'y a personne qui garde son wudu excepté un croyant. Il fait des efforts pour rester son comme si, même si tu le perds, tu le refais tout de suite. Celui qui garde toujours son wudu, ça c'est le signe d'un croyant. Ensuite, donc, mais par contre, si quelqu'un, par exemple, va dire, c'est le dhuhr, il fait son wudu, il fait sa salat de dhuhr, puis après il garde son même wudu jusqu'à l'Isha, c'est permis, il peut prier avec un seul wudu toute la journée. Du moment qu'il n'a pas eu besoin d'aller aux toilettes ou bien d'avoir un gaz ou quelque chose, de faire perdre son wudu, c'est correct. نعم وقوله أحدث المراد بالحدث انتقاص الطهارة وورد بعض روايات الحديث الصحيح أن فسر الحدث بالفساء والدورات الفساء والدورات الفساء العلماء en arabe ils disent que le fusa c'est un gaz qui est fait mais sans bruit et الدورات c'est un gaz qui est fait avec du bruit. Les deux, dans les deux cas, ça annule le wudu. Mais on va revenir plus loin à des détails sur cette question-là. Donc, il y a des narrations d'Abu Huraira où il mentionne ces différentes catégories de gaz, mais ça, c'est juste des exemples. Ce n'est pas général pour toutes les hadaths. Il y a différentes sortes de choses qui annulent le wudu, comme l'urine, et les excréments aussi, comme on en a parlé tout à l'heure. وغير أن من الأحداث التي جاءت الأحاديث بإثباتها كونها إحداثا وبعضهم يقول أن أبا هريرة رضي الله عنه أراد التنبيه بالأقل على الأكثر لأن الفساء والدورات من أصغر الأمور التي يثبت بها حكم الحدث فكأنه نبه بطريق مفهوم الموافقة على ما هو أكبر منه وقوله حتى يتوضأ حتى للغاية ويتوضأ فعل مضارع والمراد بالوضوء التطهر بالماء أو ما يقوم مقامه من التيمم كما سيأتي وذلك في وفي ذلك وفي الكلام تقدير وهو حتى يتوضأ ثم يصلي لأنه لو وجد وضوء بدون صلاة فإنه لا يقبل الله منه صلاة حتى يصلي لا شك لاستحالة قبول صلاة من العبد وهو لم يفعلها. اي نعم ويؤخذ من هذا الحديث اشتراط الطهارة لصحة الصلاة لأن المراد بقوله لا يقبل الله اي لا يعتبر الله الصلاة الصحيحة اي نعم donc c'est ça. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui puis on va reprendre la suite au prochain cours inshallah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مصطفى تفعل الأذان تفضل.